Merci Maïlis, à lundi. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. La compagnie des auteurs, quatrième moment de notre série consacrée à Italo Calvino, une émission qui vous est proposée par Laurence Genepin, Laurent Travaglichana, Laurence Millet, Didier Pinoan, Vanessa Prévost et Florent Bujon. Ses parents étaient libres penseurs et antifascistes dans l'Italie catholique et mussolinienne des années 30. La mère d'Italo Calvino a même encouragé ses deux fils à entrer dans la résistance et elle restera détenue avec son mari plusieurs mois par les SS. Tous deux scientifiques par leur travail, connaissant les plantes, aimant la nature, ils ne transmettront pas cette vocation à leur fils qui suivra un chemin différent, celui de l'écriture, comme nous l'avons vu lundi au cours de l'émission biographique que vous pouvez retrouver en podcast. Alors après des débuts d'écrivain dans une veine littéraire néo-réaliste, Calvino a bifurqué vers le genre du conte fantastique, puis de la fable d'anticipation scientifique. L'universitaire Philippe Darros a refait pour nous le parcours de cette œuvre mardi dernier. Enfin hier, nous sommes revenus sur les célèbres romans de la trilogie Nos Ancêtres, qui reparaissent en ce moment chez Gallimard dans une nouvelle traduction de Martin Rueff. Martin Rueff qui était notre invité. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler de l'inscription de Calvino dans l'avant-garde littéraire française durant ses années passées à Paris, nous sommes avec Sergio Capello, auteur de l'essai intitulé « Les années parisiennes d'Italo Calvino sous le signe de Raymond Queneau » et publié en 2007 aux presses universitaires de l'université Paris-Sorbonne. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Est une ville où personne se sent étranger. C'est un paysage de la mémoire littéraire du monde. Je crois que dans chaque ville, on se demande toujours pourquoi je vis là. À Paris, cette question ne se pose jamais. Italo Calvino, l'auteur, on le sait, des villes invisibles qui répondait à Dominique Rousset en 1976. Bonjour Sergio Capello. Bonjour. Vous avez choisi d'intituler votre livre « Les années parisiennes » d'Italo Calvino, mais vous y parlez moins, on va le voir, de son rapport à Paris que de son rapport à l'avant-garde littéraire. Néanmoins, on a l'impression que la capitale française, elle-même, en tant que telle, a eu un effet sur lui, c'est le cas ? Je pense que... Calvino a pu trouver à Paris un environnement favorable à ses recherches littéraires. En Italie, disons, la réception de ses œuvres expérimentales, comme les cosmicomiques, n'avait pas été très bonne. On l'accusait de vacances idéologiques, des fuites de l'histoire, des désengagements. Et Calvino, peut-être, il était tout simplement en train de perfectionner ses outils pour continuer sa démarche littéraire qui s'insère dans un projet culturel plus vaste et qui tend à utiliser la littérature comme un outil de la connaissance, tout d'abord, mais aussi un outil pédagogique. Et je pense qu'il a trouvé peut-être à Paris un débat culturel dans lequel il pouvait insérer sa voix sans être mal compris. On va y revenir, mais cette idée de la littérature comme un outil de connaissance, la ville aussi c'est un outil de connaissance, parce que il expliquait que Paris, pour lui, c'était comme une gigantesque encyclopédie, Sergio Capello. Une gigantesque encyclopédie et avec aussi cet esprit d'exposition universelle qu'on retrouve dans ses visites, dans les romans Palomar, dans les visites, et donc de cette fromagerie qui est une manière qui devient un catalogue des signes du monde entier. Expliquer un petit peu ce qu'il raconte justement sur cette fromagerie dans Palomar. Mais c'est une fromagerie où tout d'abord il rentre et il est complètement capturé dans cette manière d'exposer comme dans un véritable musée, hein, cette richesse, cette variété presque infinie. Et avec, il s'intéresse beaucoup au nom de ces fromages. Chaque mot, disons, la nomenclature lui permet de passer de la dimension donc, de l'exposition commerciale à celle des paysages d'où ces produits viennent. Et il est complètement capturé par une sorte de saisie métaphorique de ces objets qui sont transposés dans une dimension culturelle beaucoup plus vaste, juste au moment où il doit faire sa commande, et comme d'habitude, avec l'ironie et avec les retournements soudains qui caractérisent cet art du paradoxe de Calvino, il se trouve là devant la vendeuse incapable de faire une commande et il achète les produits les plus commercialisés, les plus connus par la publicité, et il sort de la fromagerie extrêmement frustré. Alors Paris, c'est quand même aussi un endroit où on peut vivre, dit-il, retiré comme à la campagne. Ça nous étonne un petit peu qu'on puisse dire cela, mais lui, il a l'air de le penser. Vivre comme un ermite, Paris, c'est également un havre de paix. Ça, on peut peut-être, il est vrai que l'activité principale de Calvino dans la maison d'édition Einaudi est en Italie. Et donc, il faut pas prendre trop à la lettre cette indication, parce que en effet, il s'approche donc des personnalités très importantes du débat culturel parisien de l'époque. Et à mon avis, pour le bonheur de sa production qui va suivre, pour les influences qui peuvent le nourrir au moment où il est à Paris. Il n'est pas très loin de l'Italie, c'est déjà l'ère de l'aviation de masse, pas évidemment comme aujourd'hui, mais ça commence, et il explique de manière très prophétique d'ailleurs dans Un ermite à Paris qu'au fond c'est plus facile quand on n'habite pas trop loin d'un aéroport comme Orly d'aller à Rome que de traverser la capitale française un jour d'embouteillage. Tout à fait. Et ses amis, j'entendais lors d'un déjeuner de l'Oulipo, Paul Fournel parler de lui comme de quelqu'un qui avait réellement la bougeotte. Il n'arrête pas de partir, de venir en Italie. Mais en tout cas, son lieu de travail restait l'Italie, restait la maison d'édition Einaudi, mais un lieu où il a beaucoup nourri sa pensée sera Paris, au moins à cette période de sa vie. Dans les années fin, années 60 jusqu'au début des années 80. Une dernière remarque sur la ville. Marco Valdo, c'est un personnage qui cherche la nature partout où il peut dans la ville. Quel était le rapport de Calvino à la ville en tant que telle? Pas forcément Paris, mais toutes les villes. Je ne sais pas si on peut prendre un personnage comme Marco Valdo et le rapporter à ce qui pouvait être les ressentis de Calvino lui-même par rapport à la ville. Et je pense que Marco Valdo représente un peu un personnage en Italie que beaucoup d'entre nous ont pu croiser pendant notre enfance. Et ces gens qui venaient de la campagne et qui trouvaient un emploi dans les tertiaires, dans la ville, dans le monde industriel. Et il y a ce décalage entre cette capacité de Marco Valdo de reconnaître les signes de la nature et une réalité de la ville qui est tout autre chose, et il n'a pas peut-être les codes pour bien comprendre cette réalité qui l'entoure. Donc je ne pense pas qu'on puisse parler d'un rapport aussi naïf à la ville. Lui, il aimait la ville. Il aimait la ville, je pense, et ce qu'on sait, par exemple, c'est sa passion pour la ville de New York, par les réseaux extrêmement rationnels des routes, cette image de la modernité, d'une certaine efficacité. Un côté mathématique aussi, de un la côté, grille. Un côté ordonné, les côtés rationnels qui pouvaient les fasciner. La compagnie des auteurs sur France Culture. Donc c'est dans les années 60, Sergio Capello, que Calvino quitte Turin pour s'établir avec sa famille à Paris dans un pavillon du Square Châtillon. Et il va y rester jusqu'en 1980. Donc Paris, c'est à ce moment-là l'effervescence littéraire, philosophique et avant-gardiste. C'est vraiment là que tout se passe, Sergio Capello. Oui, disons que Calvino à Paris trouve s'insère, peut insérer sa voix dans un débat culturel autour d'un thème qui lui est cher et qui imprègne profondément sa recherche littéraire, c'est le thème de l'utopie. Et le climat est celui du mai 68, auquel un climat qu'il respire pleinement, mais sans s'engager vraiment dans les débats politiques, mais plutôt on décline cette effervescence en termes de recherche littéraire. Ouais. Et c'est là qu'autour de la figure de Fourier, on retrouve toute une série d'auteurs qui ont approfondi un discours sur la littérature à partir de la lecture de l'œuvre de Fourier. Et donc il s'agit de Roland Barthes, de André Breton tout d'abord comme précurseur avec l'ode à Charles Fourier, et ensuite Raymond Queneau, avec lesquels on a un rapport très très serré, dû probablement à la militance de l'un et de l'autre en passé, et dans l'activité, dans l'engagement culturel et politique, et donc une lecture qui approche Calvino de Queneau. Et je pense que autour de la figure de Charles Fourier, Calvino tente d'expérimenter les potentialités de la littérature et les spécificités de son langage. Et ce qui les rapproche particulièrement de Queneau, c'est la place qui sera réservée au lecteur dans les systèmes, c'est de mettre au centre de l'œuvre littéraire les lecteurs et de lui donner une grande amplitude de lecture, d'interprétation. Ça, et puis aussi la même interrogation sur le sens de l'histoire, sur les zones d'ombre de l'histoire, Sergio Capello. Et disons que la lecture de l'anthropologie marxiste de la part de Queneau et de Calvino est la même. Chez Calvino, on peut les lire un petit peu dans la nouvelle La journée d'un scrutateur, où effectivement il s'interroge sur l'anthropologie marxiste et se demande si elle est un instrument qui peut permettre de comprendre, de cerner ces zones d'ombre, et qui dans les romans s'exprime à travers les corps, à travers la souffrance, à travers les corps. La journée d'un scrutateur, c'est une expérience au cœur du Cottolengo, où c'était des handicapés, des aliénés. C'était vraiment la concentration un petit peu de la souffrance d'une humanité qui n'est pas prise en compte dans les processus historique qui est réfractaire un petit peu. Mmh. Et donc cette difficulté de comprendre l'humain est en dehors d'une quête de sagesse, de compréhension profonde, et pousse Calvino à aller peut-être plus loin dans cet approfondissement. Je pense que suit un parcours qui est tout à fait analogue de ce point de vue. Et on peut le voir à travers sa lecture. Il avait suivi à l'école des hautes études les cours d'Alexandre Kojève sur la phénoménologie de l'esprit. De Hegel et qui interprète justement la dialectique hegelienne dans le sens d'une quête de la sagesse et d'un apaisement dans cette sagesse. En même temps, nous verrons qu'il y a plusieurs pistes qui s'entremêlent, plusieurs plans de lecture qui peuvent converger à travers la lecture des œuvres et voir comment cette approche peut se compléter avec d'autres. Alors, on viendra peut-être sur ce point un petit peu plus tard dans l'émission. Tout à l'heure, vous avez parlé de mai 68, dont on parle évidemment beaucoup cette année. Quel regard pouvait-il avoir justement sur les 68 arts parce qu'on sait qu'il avait un regard un petit peu distancié sur les beatniks américains. Alors, je ne compare pas évidemment les uns et les autres. Qu'est-ce qu'il pensait de ces mouvements? Parlant de beatnik, il les considérait un petit peu comme les sauvages du monde industriel, mais inconcevable en dehors donc du monde industriel qui les avait produits. En ce qui concerne mai 68, je pense que c'est un petit peu l'idée de cette libération du désir qui peut l'approcher. C'est une manière de réintroduire un petit peu des outils comme la psychanalyse, par exemple, l'analyse, l'étude de la société. Je ne sais pas, encore avec Cosmic Comics, j'étais saisi pour cette espèce de défi, de raconter des histoires avec les données les plus astraites de la science, oui, de la cosmogonie moderne, dans laquelle on ne voit jamais rien. J'essayais, oui, de voir quelque chose. À ce moment-là, j'ai commencé aussi à me poser des problèmes de construction du récit. Même l'évolution de la littérature française dans les années 60 m'a donné et des sollicitations aussi, à partir de ce qu'on a appelé le nouveau roman. Mais dans la littérature française contemporaine, on parlait de science, donc d'encyclopédisme et de jeu. La personnalité qui m'a été plus proche était celle de Raymond Queneau. Non ti fidare d'un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidare. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, cette volonté de renouvellement littéraire de Calvino qui l'amène à Paris en 1964 correspond à la publication de ses premiers récits Cosmic Comics. Sergio Capello, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu le projet de ce texte, enfin de cet ensemble de textes qui marque tout de même un approfondissement assez spectaculaire dans le travail de recherche littéraire de Calvino. En ce qui concerne les Cosmic Comics, ce sont des œuvres qui s'insèrent dans la continuité des romans de la trilogie. dans les romans de la trilogie. Nos ancêtres, dont on parlait hier, la trilogie de nos ancêtres. Et dans les romans de la trilogie, nous avons une input visuelle, une sorte de matrice du récit. C'est une image préconsciente, et à partir de laquelle, par exemple, le vicomte Porfendu, un homme divisé en deux par un obus, je pense. D'obus malencontreux, voilà. Voilà, et donc, et à partir de cette division donc du personnage en deux parties, et les récits commencent à analyser les contrastes de cette image et à se structurer d'une manière extrêmement géométrique, extrêmement symétrique. Et avec les cosmicomiques, Calvino continue à interroger l'image, mais cette fois-ci, il s'agit de faire jaillir l'image d'un énoncé scientifique qui se situe par définition au-delà de toute image. Et donc c'est un défi supplémentaire qu'il insère. Donc il aime se donner précisément des difficultés, c'est là qu'il est un petit peu oulipien. Très oulipien, il se donne des contraintes, il insère encore une contrainte supplémentaire qui le pousse à élaborer un système textuel assez élaboré. Comment faire jaillir l'image de l'énoncé scientifique et comment après les transformer en conte, en narration. Et c'est là que voilà prend forme donc les projets des cosmicomiques qui posent un personnage central, les personnages du conteur QFWFQ. Ouais, c'est son nom. Hein. C'est les noms des. Pourquoi donc, pas c'est du, très joli. Du narrateur intradiégétique qui prend la parole et commence à commenter l'énoncé scientifique à partir de l'expérience quotidienne. Et c'est le paradoxe qui crée un petit peu l'effet ludique des récits cosmicomiques. Et ben on va en écouter justement un extrait. Le Soleil est situé dans la zone externe de la Voie lactée. Et il faut 200 millions d'années environ pour que s'accomplisse une révolution complète de la galaxie. Exact, c'est ce qu'il lui faut, pas une minute de moins, dit QFWFQ. Moi, une fois en passant, je fis un signe en un point de l'espace, tout exprès, afin de pouvoir le retrouver 200 millions d'années plus tard, quand nous serions repassés par là au tour suivant. Un signe comment ? C'est difficile à dire, parce que si je vous dis un signe, vous pensez aussitôt à quelque chose qui se distinguerait de quelque chose. Et en la circonstance, il n'y avait rien qui puisse se distinguer de quoi que ce fût. Vous pensez aussitôt à un signe marqué à l'aide d'un outil quelconque, ou même avec les mains. Et alors l'outil ou bien les mains s'en vont, tandis que le signe au contraire demeure. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas encore d'outil, ni même de main. Il n'y avait pas non plus de dents ni de nez, toutes choses qui vinrent par la suite, mais bien pas. Qu'est-ce que vous retenez, Sergio Capello, de cette lecture qu'on vient d'entendre ? Bah, ce que l'on retient, c'est un petit peu les caractères ludiques. Et les jeux, un petit peu les caractères un peu ludiques et ironiques du récit. Mais à partir de là, les récits quand même posent des questions qui concernent le langage, non, la fonction du symbole, et nous ramène, disons, à nous poser des questions sur l'origine des langages. Donc on revient au récit mythique. C'est ça le sujet de ces cosmicomiques. Il s'agit des mythes fondateurs de notre monde moderne à travers une lecture ludique, parodique de la science. Donc c'est de la philosophie ludique alors, parce qu'on s'interroge sur l'origine du monde, sur l'origine de l'homme. Et on le fait à travers des modalités qui relèvent du jeu et du divertissement, sans doute. Mmh. Alors, ce personnage-là de QFWFQ, on peut peut-être en dire un petit mot, parce que on ne sait pas si c'est un homme, on ne sait pas si c'est un mutant. Vous avez peut-être, vous, une conviction là-dessus, Sergio Capello. Je ne pense pas qu'on puisse avoir des convictions, parce que, disons, est comme une sorte de principe vital qui traverse toute la chaîne des transformations de la matière jusqu'aux organismes vivants. Et donc, mais il est surtout un opérateur textuel et celui qui crée ce déclic qui nous permet de transformer donc l'image en un récit, en un conte, en une voix qui nous ramène au récit de nos origines. Mmh. Alors, ce sont des récits qui sont nés évidemment de l'imagination de Calvino, mais qui sont peut-être aussi inspirés de l'univers familial de Calvino, parce que on a vu tout au long de cette semaine que ses parents étaient scientifiques, mais pas seulement ses parents, ses oncles et tantes, son frère également. Et c'est comme si tout d'un coup, il y avait un retour de la science dans la littérature de Calvino, cette science qu'il avait un petit peu cherché à éloigner de lui. Et certainement, l'expérience familiale a dû sans doute compter. Et c'est les côtés rigoureux, les côtés rationnels hein, que Calvino n'a jamais renié. Mais en même temps, il y a un côté joueur et un côté ironique qui distingue sa démarche de celle de la démarche scientifique. Donc, inspiration peut-être familiale, mais sans doute pas uniquement. La vraie inspiration, il faut sans doute aller la chercher dans d'autres textes, parce que l'intertextualité est très importante pour Calvino. Alors, il cite un certain nombre de gens, les labyrinthes de Borges, par exemple. On a beaucoup associé Calvino à Borges. Comme Borges, Calvino l'insérait un peu dans les littératures du labyrinthe, mais d'une mémoire, le labyrinthe d'une mémoire littéraire, hein, le labyrinthe de la bibliothèque de Borges. Je pense que le discours de la science peut-être est plus influencé par la petite cosmogonie portative de Raymond Queneau. Mmh. Comme on va parler de Raymond Queneau après la chronique, je voulais pas aller directement là-dessus. Lewis Carroll aussi. Et également, en ce qui concerne la déconstruction du langage et la logique. Mmh. Il y a parmi les inspirations qu'on essaie de dérouler ici de Italo Calvino, une inspiration plus inattendue qui est celle de la peinture. Et vous en parlez, vous citez Picasso, vous citez Cézanne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a de cézannien ou de picassien chez Calvino? Alors, chez Calvino, disons que Calvino, dans les écrits de l'époque du début des années 1960, utilise les figures des artistes ou des écrivains comme des paradigmes d'une vision du monde. Pour Cézanne, par exemple, c'est la vision de la nature par quelqu'un qui a vécu l'expérience de la ville, par exemple, les transformations du monde industriel. Et donc, il produit à partir de cette image une vision du monde de la nature, de la campagne, qui s'exprime par des masses de couleurs, par exemple. Et donc, c'est la vision un petit peu stylisée et synthétique de quelqu'un qui a vécu et d'autres expériences cognitives et qui élabore une nouvelle forme de beauté. Marcel Duchamp également. Marcel Duchamp, sans doute, pour ce qu'on disait avant et qu'on n'a pas encore eu le temps d'approfondir, la place du spectateur à l'intérieur, au cœur même de l'œuvre, de concevoir l'œuvre comme un espace qui accueille la figure du spectateur et d'en faire partie intégrante des significations que peuvent se déployer à partir de l'œuvre. Est-ce que vous auriez là un exemple d'un texte dans lequel ce serait très évident ? Dans les textes de Calvino, c'est dans l'ensemble des textes de Calvino qu'on peut trouver cela. Par exemple, dans les villes invisibles, on peut trouver où on a beaucoup de matériaux qui s'inspirent à la fois de l'architecture, de l'urbanisme, mais aussi des arts figuratifs. Et je pense que Calvino, par exemple, dans les villes invisibles, laisse une grande place interprétative au lecteur. Et que la lecture de ces villes, c'est pas une lecture qui se ferme sur elle-même, mais c'est une manière de déployer un regard différent sur la ville. C'est-à-dire que un livre comme celui des villes invisibles continue à opérer dans le lecteur et à orienter sa lecture du monde. En tout cas, c'est une machine à faire rêver le lecteur. On va poursuivre cette conversation, Sergio Capello, avec vous, juste après notre désormais traditionnelle chronique du jeudi. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et oui, le jeudi, vous le savez, nous invitons un grand lecteur ou une grande lectrice à venir nous parler de l'auteur dont il est question toute la semaine et nous présenter une actualité culturelle de son choix. Aujourd'hui, nous sommes avec Olivier Barbaran, inspecteur d'académie, spécialiste également de la poésie d'Aragon. Bonjour Olivier. Bonjour. Votre sentiment tout d'abord sur Italo Calvino. Un sentiment complexe parce que, comme tous ceux qui ont été tellement inscrits dans un moment historique ou critique, on a parfois le sentiment que cette avant-garde passée ou intégrée à nos pratiques, nous avons appris à lire avec ce travail sur la structure, avec ce travail sur la place du lecteur. On peut se demander ce qu'il en reste une fois que ça a été intégré. Justement, qu'est-ce qu'il en reste d'après? Eh bien, j'ai été frappé en reprenant la journée d'un scrutateur de voir que peut-être Italo Calvino va enfin pouvoir être lu, parce qu'au lieu d'être lu pour la nouveauté de ce qu'il apporte ou pour ce moment structuralisto place du lecteur, on va le lire comme l'écrivain qu'il est, qui a intégré cela, qui nous a appris à lire ainsi. Et j'ai été très très frappé, par exemple, par l'acuité du regard dans Journée d'un scrutateur, par l'ironie cinglante sur le système démocratique. Bref, d'autres entrées que celles que nous avions un peu fléchées, nous, par nos gestes critiques, qui étaient un petit peu l'application de la machine à la machine elle-même. Et on va pouvoir voir que dans cette machine, il y a des singularités. Et celle d'Italo Calvino, par l'humour, par l'ironie, par la pertinence du regard, me paraît toujours d'actualité. Cette question, justement, théorique de la place du lecteur, vous avez l'impression que les écrivains d'aujourd'hui, c'est pour eux quelque chose qui est de l'ordre du passé, ils ont mis ça derrière eux maintenant ? Je ne suis pas sûr ils l'ont intégré, mais disons qu'ils l'ont intégré sans faire jouer des mécanismes dans la jovialité de la trouvaille. C'est plutôt intégré désormais aux pratiques et tellement intégré que d'une certaine façon, on n'a plus envie de faire jouer, par exemple, comme si dans Par une nuit d'hiver, un voyageur, une structure qui relance et interroge constamment la place du lecteur. C'est plutôt une sorte d'état avec lequel on travaille, non pas qu'on est dans la joie d'explorer, je crois. Alors, vous souhaitez nous parler d'une publication récente, Olivier, un livre anthropologique, non, pardon, un livre anthologique des traductions du poète italien mort en 1977, Sandro Pena, dont le titre est Croix et délices. C'est tout un programme. Oui, tout un programme et une certaine timidité avant de parler de Sandro Pena, tant je pense que c'est quelqu'un pour lequel il faut s'affûter l'oreille. C'est un poète pour lequel j'éprouve depuis longtemps une immense admiration depuis qu'Une ardente solitude avait paru, une anthologie, par le même traducteur Bernard Simeone. Et les éditions Ypsilon, qui font un travail remarquable sur la poésie, et notamment sur la poésie étrangère, ont eu la très bonne idée de reprendre à la fois la traduction par Bernard Simeone de Croix et délices, mais aussi d'autres poèmes, d'autres recueils de Sandro Pena, qu'il a beaucoup servi et pour lequel il a beaucoup travaillé. Alors c'est une poésie qui est peut-être l'antithèse d'une certaine façon de Calvino, par le fait qu'on n'est pas du tout dans le geste analytique et intellectuel, mais dans une sorte de contemplation absolument détachée de toute volonté d'interprétation et d'intelligence. Il s'agit moins de faire signe que de trouver le monde quand il ne fait plus signe du tout. En revanche, il y a une attention formelle qui fait de lui peut-être le plus japonais des poètes italiens. Mmh. Ce sont toujours des vers très très courts, des poèmes d'une strophe d'un quatrain, de deux pages. L'édition sous une superbe couverture rouge opéra, et ça s'impose avec Croix et délices, qui est un refrain comme on sait la Traviata, dit exactement qu'il s'agit de dire à la fois la crucifixion et la splendeur de petits instants, banals et triviaux, et de les dire sans jamais les commenter, de les congeler dans une sorte d'ambre où l'instant continue de trembler et où il est équanime et absolument reposé. Et la puissance de cette poésie, à laquelle il faut faire très attention et pour laquelle il faut être vraiment très très méticuleux dans son audition, tient au fait que c'est mine de rien, c'est l'air de rien. Je voudrais donner la parole et ne pas oser lire des poèmes, surtout en italien, puisque l'édition est bilingue, mais donner la parole à Natalia Ginzburg, qui est dans le Corriere della Sera du 7 décembre 76, juste avant l'édition des œuvres complètes de Sandro Pena, disait à mon avis tout. Alors je lui laisse volontiers la parole. Les lieux sont toujours les mêmes dans son monde, la taverne, la place, l'urinoir, le cimetière, de rares trains, le cœur demande un être humain, mais pas un seulement, les objets qui inspirent l'amour, les sirènes des ateliers arrachent aux lèvres une main adorée, grosse, sale, sentant le fer ou les oranges mangées à la va-vite dans les matas glaciales. Quand l'hiver vient, c'est l'hiver des villes du sud, piquant, mais inattendu et gracile. Les membres sont mal couverts, l'odeur des oranges rend le froid plus âpre, évitant l'été. Les tavernes enfumées offrent un refuge, mais aussi des clameurs et des rires. Les instants de bonheur sont arrêtés dans un imparfait sans fin qui les remercie pour toujours. Sandro Pena, Croix et délices, aux éditions Ypsilon, est un chef-d'œuvre. Merci Olivier Barbaran, on se précipite sur ce livre. Dernier moment de cette compagnie des auteurs consacrée à Italo Calvino. Nous sommes toujours avec Sergio Capello qui nous parle des rapports de l'écrivain avec l'avant-garde, de ses recherches formelles. Et on repart dans cette dernière partie avec une archive de Calvino qui se décrit littérairement comme un ange calculateur. Il le fait au micro de Christian Giudicelli. J'ai toujours eu un certain goût de la géométrie. Ou de la symétrie, si on voit. Aussi de la logique dans le sens de tirer toutes les conséquences d'une donnée. Je pars d'une situation et j'ai fait toutes les variations possibles et il y a toujours une construction de ce genre. Et je dois dire que de plus en plus dans le temps, j'ai même ce poids de la construction, de la structure de mes textes. À Rome, il y a un tableau de Caravage à Saint-Louis de Français et qui est un tableau de Saint-Mathieu. Saint-Mathieu est représenté comme un écrivain, comme quelqu'un qui écrit, avec un ange qui l'inspire. Et cet ange est en train de compter sur les doigts de sa main. Et je me suis reconnu dans cette image d'écrivain. Moi aussi, je suis visité par un ange calculateur qui m'impose certaines contraintes numériques. C'est avec un sourire que vous écoutez cette archive, Sergio Capello. C'est avec un sourire parce que me fait penser donc à cet état d'esprit des comment dire, cette tendance à vouloir rationaliser, à vouloir comprendre, à vouloir suivre dans la construction du récit une désymétrie, une parfaite géométrie. Mais ce qui est très particulier, c'est que quand il est dit ironiquement, parce que toute la recherche vise justement à chercher les points de fuite, hein, la sortie de ces grilles, de cette géométrie. Et je pense que la lecture est l'intérêt de sa littérature, et aujourd'hui je le trouve encore actuel, quoi qu'on puisse en penser, et tient justement à ça. Ces systèmes extrêmement structurés nous proposent des pistes de lecture, mais ouvrent aussi une grande liberté d'interprétation. Et c'est une expérience que j'ai vécue récemment, par exemple, à partir de la lecture de l'un des textes des villes invisibles, la ville des Eudoxies. Dans la ville des Eudoxies, c'est une ville assez chaotique, il est très facile pour les voyageurs de se perdre. Et les habitants conservent un tapis. Et dans les arabesques de ces tapis, on peut repérer un point à partir duquel on retrouve l'image de la ville, mais où tout est représenté dans ses justes proportions, où tout acquiert un sens. Donc un oracle s'exprime en disant qu'il y a deux villes en Eudoxie. Mm-hmm. L'une est la ville qui était bâtie sur un plan cosmique, sur les harmonies célestes. Et l'autre, c'est son image déformée et imparfaite comme toute œuvre humaine. Alors l'oracle a été interprété par les augures de la manière la plus évidente. Évidemment, ce sont les harmonies du tapis qui représentent la ville idéale, la vraie vie. Mais on peut se demander, on peut inverser les regards et rien ne nous empêche de croire que la vraie ville bâtie sur l'organisation du cosmos, soit l'autre, la ville imparfaite avec ses contradictions. Et c'est une piste très intéressante parce qu'elle pose des points fondamentaux. Il y a du Queneau, par exemple, dans cette idée-là de Calvino. Je pense qu'il y a du Queneau, il y a l'approche, justement, il y a l'approche prudent et l'approche relativiste de la connaissance. Mais il y a aussi une proposition de clés de lecture pour interpréter le monde grâce à la littérature. Par exemple, le premier point, c'est que pour trouver la ville idéale, par exemple, dans le monde désordonné, chaotique qui nous entoure, dans lequel nous vivons, il faut trouver les points à partir duquel toutes les perspectives se mettent dans la juste optique. Et c'est un premier point qui, à mon avis, est fondamental. Et en même temps, l'autre point qui est fondamental, c'est que les regards qu'on porte sur cette ville déterminent les passages de la ville idéale à la ville infernale, de la ville où on se retrouve, à la ville où on se perd. Ce matin, je me suis levé tôt. C'est une chouette journée et je suis heureux parce qu'aujourd'hui, je vais à la pêche. Alors reprenons un petit peu avec vous, Sergio Capello, l'histoire de cette amitié, on peut dire d'ailleurs, entre Calvino et Queneau, qui commence d'ailleurs au moment où ils ne se connaissent pas, parce que dès l'après-guerre, Calvino s'intéresse à Raymond Queneau depuis l'Italie, en fait. Oui, depuis l'Italie, c'était la première lecture, je crois, concerne les romans Piero Mon Ami. Et un roman. Vous avez fait un compte rendu pour le journal communiste. Oui, Unita. Pour Rinascita, il me semble. Et donc cette lecture propose donc les romans de Queneau comme un roman, comme un un roman fondamentalement cubiste. Il est défini un roman cubiste, un roman donc des images de l'avant-garde vers laquelle il tende. Et c'est un article très bref où il décrit un petit peu la trame du récit. Et disons que les approfondissements sur l'œuvre de Quesnot viendront plus tard, je pense, autour des œuvres qui l'inspirent davantage, en particulier La petite cosmogonie portative, mais non seulement, également les romans Les fleurs bleues, dont ensuite il sera le traducteur. Oui, parce que la traduction, justement, pour Calvino, c'est très important. C'est vraiment une manière d'entrer dans l'œuvre, et c'est en traduisant Les fleurs bleues qu'il va pénétrer plus précisément dans l'imaginaire de Quesnot. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Oui, disons que Calvino considère la traduction comme la forme la plus aboutie de la lecture d'un livre. Et effectivement, c'est le moment où il s'approprie des principes d'écriture de Raymond Quesnot par la nécessité de devoir les traduire. Et traduire Quesnot, ce n'est pas un mince affaire. Et la complexité de la langue de Quesnot et disons cette présence de la langue parlée est très importante, et Calvino dispose d'un outil qui n'est pas tout à fait comparable. La langue italienne est une langue de tradition littéraire et une langue qui vit ancore à l'époque où Calvino traduit, une situation de diglossie où l'expressivité populaire est confiée au dialecte. Et on voit à peine apparaître un peu ces formations intermédiaires de l'italien régional où les parlers populaires commencent à se modeler sous les formes du standard de la langue italienne. Et ça, c'est quelque chose qu'il regrette à titre personnel, Calvino, cette unification de la langue italienne, non, cette disparition Calvino, des langues régionales. Non, Calvino, contrairement à Pasolini, non, ne regrette pas la disparition des dialectes. Calvino est pour la modernité et c'est un passage obligé. La question est, est-ce qu'il disposait d'un outil assez souple pour pouvoir rendre toute la richesse et aussi des aspects de la langue de Quesnot qui sont liés à la déclamation, à la lecture à haute voix, parce que même parfois à travers la déformation de l'orthographe, on révèle des tics verbaux, on révèle des tonalités, des intonations parfois. Et donc il y a une participation disons, par l'écoute, une immersion dans la langue qui est très difficile à restituer dans la langue italienne. Un auteur comme Gadda, par exemple, lui peut-être disposait d'un outil plus approprié pour pouvoir traduire Quesnot. En tous les cas, il a beaucoup aidé à la connaissance de Quesnot en Italie. Et ça, c'est très important aussi dans les échanges France-Italie, Quesnot-Calvino. Bien sûr, parce que l'image de Quesnot était liée à celle, je me souviens d'un jugement un peu péremptoire comme ça de Aso Rosa, qui le définissait un élégant fumiste. Et je ne pense pas que cette image corresponde à la personnalité et aussi aux mille facettes de cette figure d'encyclopédiste, de poète, de romancier. D'inventeur verbal. Et d'inventeur des dispositifs narratifs des créateurs. Et effectivement, Calvino lui restitue cette dimension à travers la publication en particulier de ses œuvres théoriques. Par exemple, il publie une anthologie Segni, chiffres et lettres qui reprend des textes théoriques de Quesnot comme Bâton, chiffres et lettres, mais également Les voyages en Grèce et des articles extraits de la revue Volonté. Là où il se retrouve, c'est pas uniquement littérairement ou un petit peu par la bande aussi, parce que il y a une détestation, le mot est un peu fort, mais enfin, en tout cas, un certain mépris pour l'autobiographie chez Queneau, que Calvino aussi va reprendre. Pourquoi d'ailleurs? Quel est le problème finalement à se raconter? En quoi est-ce que c'est si gênant pour ces deux auteurs-là? Mais je pense que ce sont des auteurs très pudiques. On peut les définir comme des auteurs très pudiques et qui ont un rapport avec le self de l'auteur, un peu de refus. Peut-être chez Queneau, ça vient aussi de sa contestation donc du surréalisme et de l'inspiration surréaliste. Mmh. Lui disait que les poètes n'est pas inspiré occasionnellement, et le poète est toujours inspiré, mais inspiré par le travail sur la langue, par le travail sur les mots. Et je pense que la même attitude est présente chez Calvino. Apprenons le scratch. Le pas de base du scratching comprend au total 8 pas qui s'exécutent et se comptent ainsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenez-vous prêt à partir? Terminer peut-être, puisqu'il nous reste quelques minutes, par Palomar, ce livre que Calvino publie en 1983 et dont vous dites dans votre livre, Sergio Capello, que c'est là où il intègre finalement le mieux toutes les leçons de Queneau, c'est cela ? Moi, je pense que c'est un roman qui trace un cheminement vers une forme de sagesse. Et de ce point de vue, je pense que l'enseignement de Calvino est présent, et de Queneau est présent. Et je trouve que c'est une œuvre qui a des rapports étroits avec la trilogie poétique de Queneau, qui commence par courir les rues, battre la campagne et fendre les flots. Et il y a disons des analogies en termes d'image, mais aussi en termes de réflexions sur sa place dans le monde, mm-hmm. sur sa tentative, peut-être les renoncements, peut-être quelque part à vouloir les comprendre, et une attitude plutôt à continuer à l'écouter. Vous avez un exemple en tête de cela? Mais par exemple, déjà la lecture d'une onde, par exemple. La lecture d'une onde, que c'est la tentative d'épuiser un objet par la description, et on a cette impossibilité de clôture, c'est-à-dire que l'objet échappe totalement à ces tentatives globalisantes, et que le monde est au fur et à mesure, à travers ces exercices d'observation du monde, on arrive jusqu'aux contemplations observer avec détachement sa propre mort. Donc, quelque part, c'est un roman qui a même un caractère un peu prophétique ou détestement. C'est le dernier d'ailleurs ouvrage. Le livre peut-être le plus autobiographique, là, justement, de Calvino, d'une manière évidemment détournée. En tout cas, il expose son attitude par rapport à la connaissance, et effectivement, c'est une troisième personne très autobiographique, la figure de les lieux, par exemple, les lieux de son expérience, Paris, les toits de Rome. Et il y a des éléments qui peuvent se lier à sa biographie. Mais il faut dire que c'est aussi un livre qui a été écrit à partir de textes qui est préexisté, et notamment des carnets de notes de Calvino. Il y a aussi des sortes de reportages, donc c'est normal qu'il y ait davantage de Calvino de manière plus apparente dans Palomar. Sans doute, sans doute. Est-ce que Pérec est un peu présent aussi, parce qu'on a parlé de Loulipo, on a parlé de Queneau, c'est vrai qu'on ne voit pas tellement apparaître ce nom-là, on le voit moins apparaître en tous les cas, pour quelles raisons? Moi je pense que, disons, les discours de Pérec sur l'infraordinaire influencent un petit peu les romans Palomar en particulier. C'est un roman quelque part minimaliste et qui nous ramène à l'expérience quotidienne, à l'expérience élémentaire quotidienne, et quelque part cette approche de la quotidiennité on la retrouve également dans la trilogie poétique de Queneau, dans les textes de Courir les rues par exemple. C'est à la fois le quotidien et la cosmogonie, c'est ça qui est assez impressionnant finalement dans cette manière de tenir les deux bouts de la chaîne. Et l'impossibilité d'enfermer les deux, l'impossibilité de parvenir à une clôture. Il reste toujours l'œuvre ouverte. Ouais. C'est un poète, pour terminer en quelques secondes. D'abord un poète, Calvino. Queneau peut-être est tout d'abord un poète, plus que Calvino. Calvino est un poète dans certains textes. Je pense qu'il y a un texte qui exprime profondément une poésie, et le texte de Ville invisible, par exemple. D'autres textes ne me semblent pas... Il est peut-être de plus en plus poète au fur et à mesure de sa vie. Peut-être, et la forme du poème en prose devient un peu plus visible dans ce livre. Merci beaucoup, Sergio Capello, d'être venu nous parler aujourd'hui des années parisiennes de Calvino qui correspondent donc à ces années les plus avant-gardistes. Je rappelle que vous avez fait paraître en 2007 aux presses de l'université Paris-Sorbonne votre thèse intitulée précisément « Les années parisiennes d'Italo Calvino 1964-1980 » sous le signe de Raymond Queneau. Et c'est la fin de cette série consacrée à Calvino, mais nous revenons dès lundi 15h pour une dernière semaine de cette saison consacrée à la thématique des correspondances amoureuses. Et puis la littérature, elle est également présente le samedi sur France Culture, c'est avec Christophe Onodibio qui parlera à 17h de littérature jeunesse samedi. Donc tout de suite Jacques Bonafé, la poésie. Bonjour la compagnie, on continue avec Olivier Domergue. On se souvient des passages de Roneo Rodeo, son poème Fleuve. Cette fois, il s'attaque à la Sainte Victoire, tâchant de l'arracher à Cézanne peut-être. Malgré tout, cela commence par des essais répétés. Une pierre taillée, couchée de tout son long sur un pli, un gigantesque talus, un lit de terre et de roches. Plus loin, une pierre taillée, mais sommairement, grossièrement, une pierre mal dégrossie par conséquent, et basculée sur le flanc. Et plus loin, pierre taillée, longue de plusieurs kilomètres, couchée sur un énorme monticule couleur terre, brun, jaune, rouge, couvert d'arbres et de buissons. Soubassement, à certains endroits, plus complexe qu'il n'y paraît, et bordé de répliques de moindre hauteur et ampleur. La barre du sangle, par exemple, dissimulant en partie ses fondements sous couche, strate, plissement. Olivier Domergue écrit depuis plus de 25 ans sur le paysage ou dans le paysage, et souvent également devant lui ou au-devant de lui. Pour l'heure, elle sombre dans un halo indigo, de même collines antérieures et crêtes suivantes, fondues enchaînées dans les bleus pâles depuis l'étang jusqu'aux cieux. Voilà ce dont le Mistral est capable, changer la couleur de l'air ainsi que l'orientation et l'amplitude des vagues, dissoudre les montagnes. Et cette page-ci comme une prière, à sainte V comme un coup de taloche, une cloche valsante à pleine volée sonnant la nouvelle, elle est née, qui ? La modernité, la sainte V comme planche de salut ou de salaud, l'illusion est si tenace et si puissante, la sainte V comme une clenche, porte ouverte, enfoncée, pulvérisée par celui par qui le scandale arriva. Formes et stupeurs, forces et couleurs traduisaient l'avènement de la série et du motif, et plus rien ne fut, ne sera comme avant. La sainte V comme un clic, claquement sec, une cliche, bruit de la matrice tombant sur la matière en fusion, par excès de présence et donc de vide, elle crée instabilité, trouble de l'énoncé, tremblé de la vision, qu'elle se coule sur la page, la clichant par conséquent, déboule de sa hauteur ou qu'elle fende la houle du paysage, la foule des collines et des plaines voisines, réinitialisant ainsi à tout coup le cliché. La sainte est seule, du moins dans son espace d'entour, de tutelle, dominant l'étal des collines voisines, congénère amorphe et affalée. Elle est ce point de mire. La sainte est seule, quand bien même prendrait-on en compte Ventoux ou Sainte-Baume, eux aussi grimés de compte, bardés de déférence, eux aussi fardés, lestés, accablés. Point fulminant et culminant de tout un territoire, englobant non seulement le pays d'Aix, mais aussi la dépression de Berre, et de même Alpi, Crau, Var, limitrophes et basse vallée de la Durance, la Sainte est seule et fait sens dans sa déclinaison manifeste, silhouette en trapèze, socle défroqué, ligne claire récurrent des beautés, crête coutumière écrantée, auguste référence, sempiternelle affirmation, offrant son front, sa fronde, un ton au-dessus de la mêlée, un ton au-dessus des autres. Merci Jacques Bonafé, vous nous lisiez aujourd'hui des poèmes d'Olivier Domergue.